Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François vous invite à feuilleter avec lui le calendrier des esclavages et des libérations. Le 13 mai 1236, en France, en Champagne, Robert le Bougre, ancien hérétique, devenu dominicain, fait emprisonner 183 personnes dans la forteresse du Mont-Aimé pour les faire brûler au nom de l'Inquisition, tribunal ecclésiastique chargé de réprimer l'hérésie. L'hérésie et la sorcellerie, bon, enfin voilà. 1525, Allemagne, pendant la guerre des paysans, Charles Quint déclare au sujet du travail des mineurs « Les seigneurs et maîtres tirent de ce travail plus de gains que de n'importe quel autre commerce dans toute la nation allemande et dans tout le Saint-Empire romain germanique. » Alors, les gens du Tio, des mines du Tio, ceux de Sainte-Marie aux mines, ceux de la Croix aux mines, devraient se sentir concernés par cette déclaration de Charles Quint. 1525 encore, en France, Ribeauvillé accueille les paysans à bras ouverts. Alors, en 1525, Ribeauvillé n'était pas en France. Hein, ça faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Bon, enfin, c'est un détail. À bras ouverts, les féodaux ont fui Saverne. La ville ouvre ses portes. Des milliers de paysans s'y engouffrent. Entre-temps, l'armée répressive du duc de Lorraine arrive à Sarrebourg. 1888, Brésil. L'esclavage est aboli. Cela concerne théoriquement 700 000 personnes, mais le statut des paysans libérés ne s'améliore guère. En revanche, cette mesure va accentuer la haine des planteurs qui contribuera à l'effondrement du régime impérial en 1889. 1893, France, à Chambon-Fougerolles, naissance de Benoît Frachon. Benoît Frachon, ça vous dit peut-être quelque chose ? Pas sûr. Syndicaliste. Il deviendra le numéro 1 de la CGT en 1945. Et je crois qu'il était une des têtes du Parti communiste clandestin entre 1940 et 1945. 1919, Algérie. Lors de la grève dans les usines Bastos, à Oran, Bastos c'était les cigarettes, vous savez, les paquets bleus, les paquets rouges. À Oran, des conseillers municipaux haranguent les grévistes du village nègre, les engageant à reprendre le travail. 1936, France. Lors du Front populaire à Toulouse, les usines Latécoère sont occupées à cause du licenciement de responsables syndicalistes. Le maire socialiste réussit à les faire réintégrer. 1947, Italie. Les communistes sont exclus du gouvernement par De Gasperi, qui donne sa démission et reconstitue un gouvernement sans eux. 1958, Algérie, France. Putsch militaire en faveur de l'Algérie française. Il aboutira au renversement de la 4e République et au retour du général de Gaulle au pouvoir le 28 mai. 1967, Espagne. Au Pays Basque, les ouvriers de l'entreprise Echevera reprennent le travail après 163 jours de grève. 30 travailleurs et 16 syndicalistes sont renvoyés. 1968, France. Le mouvement revendicatif et contestataire des étudiants gagne la classe ouvrière. Grève générale et manifestations de solidarité à Paris et à travers le pays. Les étudiants réoccupent la Sorbonne. Une université critique se met en place. Chacun peut y exposer ses réflexions, l'imagination et au pouvoir. Du moins, c'est ce qu'on disait en 68. 1972, Madagascar. À l'absence du président, le gouvernement donne l'ordre de tirer sur la foule qui manifeste. À Tananarive, 40 personnes sont tuées et 6 à Majunga. 1980, Corée du Sud, à Séoul, 50 000 et 80 000 étudiants manifestent pacifiquement contre l'influence des militaires et le prolongement du droit de guerre. Ils demandent un plan de démocratisation et une nouvelle constitution. 1981, Italie, à 17h19, sur la place Saint-Pierre à Rome, un jeune terroriste turc tente d'assassiner le pape Jean-Paul II. Pourquoi ? 1984, République fédérale d'Allemagne. Début de la grève pour les 35 heures en sidérurgie. Elle durera 6 semaines. Thank you. le 14 mai 1525, en France, les paysans rentrent à Riquewihr. La remarque que je faisais tout à l'heure, elle est toujours valable. Hein. De connivence avec les bourgeois de la ville, à l'exception de quelques cités, l'Alsace est aux mains des paysans en 1725. Vous vous rendez compte s'ils étaient en avance, ces gens-là, et si parfois on doit être en retard peut-être. Mais le conseil de Strasbourg, le bailli impérial de la Basse-Alsace et le chapitre de la cathédrale demandent au duc de Lorraine d'assiéger Saverne. La bourgeoisie de Strasbourg, quoique anti-féodale, s'unit aux féodaux et trahit la confiance de la paysannerie. Trahit. Quel vilain mot. 1635, Allemagne. France cette fois. Le peuple de Bordeaux se révolte contre les impôts. Il s'empare de l'hôtel de ville. Oui, parce qu'il y a un petit gribouillis sur mon bouquin. Un certain nombre de gableurs sont exécutés. Ceux qui s'en prenaient au gabelou, c'est-à-dire au percepteur. 1897, Russie. Une loi réduit la journée de travail à 11h30. 11h30, vous vous rendez compte, la journée de travail à 11h30. Bah oui, comme dans les camps de concentration quelques années plus tard. 1907, Allemagne. Début d'une grève de 4 mois des ouvriers des industries du bois pour une augmentation de salaire et une diminution du temps de travail. 1940, Canada. À Toronto, mort d'Emma Goldman, immigrée, juive. Une des figures les plus originales de l'anarchisme, 1869-1940. 1941, France, la police parisienne arrête 3700 juifs. Ils sont parqués au gymnase Japy, puis internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. 1958, Autriche, le nouveau programme du Parti Socialiste maintient la notion de « lutte des classes ». Lutte des classes, 1958, mais introduit aussi celle de société pluraliste. Il n'exige plus la référence au marxisme pour les actions socialistes. 1962, Argentine, début de la grève des ouvriers de Pérouse pour recevoir la paye du mois précédent. 150 mois de résistance à un pouvoir corrupteur commence. 150 mois, vous rendez compte ? 1968, France. Le mouvement de grève et d'occupation d'usines s'amplifie. C'est le plus important depuis 1936. À l'Assemblée nationale, Georges Pompidou se prononce pour une association étroite des étudiants à l'organisation de l'université. 1975, Portugal. Une vingtaine d'entreprises, tabac, cellulose, ciment, sont nationalisées. Nationalisées ? Oh, quel vilain mot, nationalisées. Oh. Le salaire minimum est fixé à 4000 escudos. Les salaires excédant 12 000 escudos sont bloqués. 1978, France. 100 000 jeunes travailleurs et travailleuses participent au 50e anniversaire de la jeunesse ouvrière chrétienne à la Courneuve. 1979, Namibie. L'administrateur sud-africain en Namibie annonce la transformation de l'Assemblée constituante namibienne en Assemblée nationale avec pouvoir législatif à dater du 21 mai 1979. 1979 encore, au Nicaragua cette fois, le Fonds monétaire international avec l'accord des États-Unis accorde un prêt de 65 millions de dollars au dictateur Somoza. Eh oui, ça vous étonne ? Pas moi. 1979, République centrafricaine. Dans un communiqué publié à Paris, Amnesty International dénonce le meurtre d'une centaine d'enfants par la garde de l'empereur Bokassa. Le processus qui conduira à la chute du tyran est engagé. Le 15 mai 1525, encore en Allemagne, bataille de Frankenhausen. 6000 paysans de Thuringe sont battus par les féodaux. Thomas Münzer, qui les avait rejoints, est blessé à la tête. Il est découvert dans la maison où il s'était réfugié et fait prisonnier. Comme beaucoup d'autres défaites paysannes, celle-ci est imputable au manque de vue d'ensemble des révoltés, au manque de finalité du mouvement, au manque de formation militaire et au morcellement du royaume.

Pour obtenir une aide du Fonds monétaire international, le gouvernement décide une hausse des prix brutale, 67% sur l'essence et 60% sur les denrées alimentaires de base. Des manifestations ont lieu dans plusieurs villes. 1978, URSS. Le physicien Yuri Orlov, fondateur du groupe moscovite de surveillance des accords d'Helsinki, est condamné à 7 ans d'internement et à 5 ans de relégation. Ce verdict provoque le boycottage des relations avec l'URSS de plusieurs centaines de scientifiques. 1980, Corée du Sud, après une certaine accalmie, le Premier ministre lance un avertissement aux manifestants. Le gouvernement ne restera pas passif devant les tentations de création du chaos. 1982, Autriche, manifestation à Vienne contre la guerre et pour le désarmement. C'est la plus grande manifestation d'après-guerre, 1% de la population du pays, soit 70 000 personnes, y participent. Leur lave pour faire la Martinique. C'est fantastique, quelle naissance prodigieuse. Ça vaut bien tous les bing-bong. C'est donc une colère cosmique. Une sorte de colère cosmique et, autrement dit, la colère créatrice. Elle est créatrice. Ah, nous sommes loin de cette Néréide sous la mer endormie. C'est beaucoup plus que ça. C'est des terres de colère, c'est des terres exaspérées, c'est des terres qui crachent, qui vomissent et qui vomissent la vie. Et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir et il faut continuer l'œuvre première. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir dans une sorte d'acceptation et de résignation. Il y a une sorte de sommation de l'histoire et une sommation de la nature à nous faire. Et à moi mes danses de mauvais nègre. À moi mes danses, la danse brise carcan. La danse saute prison, la danse il est beau et bon et légitime d'être nègre. À moi mes danses, et saute le soleil sur la raquette de mes mains. Mais non, l'inégal soleil ne me suffit plus. Enroule-toi vent autour de ma nouvelle croissance. Pose-toi sur mes doigts mesurés, je te livre ma conscience et son rythme de chair. Je te livre les feux où brasille ma faiblesse. Je te livre le chain gang, je te livre le marais, je te livre l'intouriste du circuit triangulaire. Dévore, vent, je te livre mes paroles abruptes. In August 1939, a black voice cried out to the world for the first time. The voice of a young 26-year-old poet, Aimé Césaire. His first work, Notebook of a Return to the Native Land, had just been published in the Paris Review Volonté. Fresh out of the École Normale Supérieure in Paris, Aimé Césaire decides to return to Martinique, here for the France, for the beginning of the school year. Je rentrais en philosophie, en terminale, comme on dit maintenant, et je vois dans la cour un monsieur avec un superbe complet vert, vert bouteille ou vert perroquet, une immense masse de cheveux sur la tête. Donc demandé qui c'était, on m'a dit que c'était le nouveau professeur qui venait d'arriver et qui s'appelait Césaire. Ce que Césaire a apporté, ça a été comme une sorte d'ouverture sur un monde qui était à peu près inconnu, à savoir par exemple le monde africain. Quoique nous ayons tous des ancêtres africains, qu'on savait plus ou moins, mais ce n'était pas, si vous voulez, tout à fait de mode de parler de ces choses-là à l'époque. Quel effort n'a pas fait le monde colonial ? Que d'efforts n'avons-nous pas fait, nous, Antillais, pour tout biffer, pour tout effacer, pour tout oublier ? Eh bien, quand j'étais à Gorée, je crois avoir écrit sur le tableau « Souviens-toi » ou quelque chose de ce genre-là. Et pour moi, c'est fondamental. Il faut se souvenir. Ça ne signifie pas que nous sommes des êtres de ressentiment, mais il faut se souvenir. On peut se réclamer les Caraïbes, c'était de nobles guerriers, sont de nobles ancêtres. On peut se réclamer, oui, pourquoi pas les créoles fondateurs, oui, ça peut s'accepter. L'Afrique, pensez donc. S'il n'y a pas de nègre premier, vous n'avez pas de créole second, hein, ça n'existe pas. Bonjour à tous, je suis Ben de la chaîne Nota Bene et aujourd'hui je voudrais vous présenter le second épisode d'une série de programmes dédiés à la propagande que j'ai réalisé avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Allez, c'est parti pour un épisode sur la propagande pendant la guerre d'Algérie. Dans cet if rendu au calme, au travail, à la paix française, dans cet IF où se sont effacées les traces des regrettables incidents de l'an dernier, le gouverneur général Yves Châtaignaud est venu montrer que rien ne subsiste dans l'esprit français de ce qui fut l'erreur d'une journée. L'erreur d'une journée, celle du 8 mai 1945, c'est le massacre de Sétif, un début de mouvement insurrectionnel indépendantiste réprimé dans le sang et qui fera près d'une centaine de morts du côté des Français d'Algérie et plusieurs milliers de morts musulmans quand les autorités tâchent de rétablir le calme. L'armée française est mobilisée, bien entendu, mais les habitants eux-mêmes se constituent en milices et participent activement à ce massacre, tirant à vue sur les musulmans dans les rues et les fermes alentour. L'ordre colonial est rétabli et les métropolitains sont ravis de voir que l'Algérie est toujours un territoire français où il fait bon vivre. Il faudra d'autres massacres et d'autres insurrections une décennie plus tard pour que la situation commence à inquiéter. En 1955, l'histoire se répète presque la même. Une insurrection, cette fois-ci à Skida, fait près d'une centaine de morts du côté des Européens qui avaient rebaptisé cette ville Philippeville. Au cercueil d'Ouedzem, les cercueils de Philippeville font un triste écho. Dans une atmosphère tendue, le port du Constantinois a enterré ses morts. Cette musique de Requiem et ces images de deuil font en métropole leur petit effet. Mais ce que l'on ne montrera pas, c'est qu'encore une fois, la réponse européenne est d'une brutalité extraordinaire. Là encore, les représailles font des milliers de morts. Tous les hommes adultes musulmans sont abattus à vue par les habitants, qui sont armés et organisés par le maire. Pour pacifier la région, il faut mobiliser le contingent et renforcer la présence militaire française sur tout le territoire algérien. Seulement, l'armée française n'est pas encore une armée de métier. On y voit les appelés, puis les rappelés. Les appelés sont les jeunes qui font leur service militaire. Les rappelés, eux, sont ceux qui l'ont déjà effectué un an, deux ans auparavant, mais que l'armée mobilise de nouveau. Ils ont déjà donné 18 mois de leur vie, sont rentrés, ont peut-être un travail, une famille, mais voilà, on les appelle encore. Déjà, les renforts arrivent à Alger. Un pont aérien va être établi qui poursuivra sans discontinuité ce transfert de force. Il s'agit avant tout de maintenir l'ordre, sans lequel il n'y aura ni réconciliation, ni pacification, c'est la volonté affirmée du gouvernement. Nombreux sont ceux qui protestent, qui essayent d'échapper à cette réquisition des corps, nombreux sont ceux qui se mutinent ou qui prennent le maquis. Ils bloquent des trains et en sabotent d'autres, de la Bretagne au centre de la France. Mais on ne montre pas ça aux actualités, puisque les images à l'époque sont encadrées par le pouvoir et donc manifestement produites et montées pour rassurer les appelés. Ce qu'une armée est venue faire ici, ce n'est pas la reconquête, comme une habile propagande veut le faire croire. Elle est venue pour assurer la continuation de la vie algérienne et la sauvegarde de groupes humains qui vivent ensemble sur cette terre depuis 5 générations. À écouter ce reportage, faire son service militaire en Algérie, c'est un peu comme passer un week-end chez les scouts qui durerait plusieurs mois. On y aide la population, on y construit des routes et des écoles. L'armée, cette fameuse armée qu'on dit occupée à des représailles sans scrupules, a continué les travaux entrepris. On la voit jouant le rôle d'ingénieur et d'architecte, diriger ou accomplir des travaux qui ouvrent une route, créent un barrage de retenue, un déversoir. On la voit quitter ses armes pour bâtir, à la place d'un assemblage de cahutes, un îlot d'habitations saines et commodes. C'est à se demander si ceux qui aujourd'hui défendent les aspects positifs de la colonisation n'ont pas été intoxiqués par la propagande de l'époque comme l'ont été avant eux leurs parents. Et l'armée continue de maintenir ce qui a été dans ce pays un bulletin de santé tel que n'en connaissent aucun des peuples orientaux qui s'arrogent le droit de juger la France à travers le drame algérien. Comme il s'est fait architecte, ingénieur, infirmier, le soldat s'est fait instituteur. Dans les écoles désertées, il a pris la place du maître victime de la persécution. Il a rouvert aux enfants les portes de l'école. On les a vus, ces garçons, reprendre sous l'uniforme la classe abandonnée. Et dans ces pays où la première forme de la civilisation, l'école, était menacée de disparaître, l'école a pu se maintenir grâce à ses farouches guerriers. Pour autant, la violence de ce qui est appelé le drame algérien n'est pas épargnée aux spectateurs dans ce sujet de 1958. On y voit d'effrayants gros plans sur des cadavres qu'il serait impossible de diffuser tels quels maintenant et que l'on va, ici, vous épargner. Mais l'idée de ces plans est de mettre l'accent sur la violence du FLN, les indépendantistes algériens qui, en effet, enlèvent, tuent, torturent et mutilent des Européens. Ces pratiques permettent au pouvoir français de montrer dans les actualités la sauvagerie de ceux qu'ils appellent les félagas. En les appelant félagas, que l'on pourrait traduire par bandits de grand chemin, le pouvoir français nie le caractère politique de leurs revendications. Il les désigne par leur violence et non pas par leur combat. Dans la casbah d'Alger, où l'appel impératif à la grève générale de 8 jours lancée par le FLN avait trouvé un écho favorable, les forces du général Massu, chargées de la sécurité, ont, dès le premier jour, lancé des sommations aux commerçants dans ces ruelles où la rébellion a cru trouver un asile impénétrable. Partout où ces sommations se sont montrées inutiles, les parachutistes ont levé les rideaux de fer et ouvert les magasins fermés en laissant un garde à la porte. La violence de l'armée de pacification est-elle, bien entendu, invisible? Ces opérations d'ouverture de magasins, prélude à la bataille d'Alger qui aura lieu quelques mois plus tard, sont en réalité accompagnées de rafles, d'exécutions sommaires, de déportations, d'actes de torture et de barbarie en tout genre. On apprendra des décennies plus tard que les appelés eux-mêmes pratiquaient la torture dans ces opérations brutales qui avaient en réalité deux objectifs. Démanteler les réseaux du FLN, certes, mais aussi terroriser les populations civiles musulmanes. Et tout ça, bien entendu, n'est pas évoqué ici. La propagande ne s'arrête pas là. Les conscrits ne sont pas les seuls qu'il s'agit de convaincre du caractère juste et utile de cette guerre sans nom. Les Français, dans leur ensemble, doivent se sentir concernés, et voici comment les actualités s'y prendront. La France, isolée de son prolongement algérien, son principal client, connaîtrait une crise grave. Cette crise s'étendrait partout. Déjà éprouvée par la perte du marché indochinois, l'industrie textile verrait 15 milliards de commandes annulées et l'arrêt d'une partie de ses métiers. Ce serait 5000 ouvriers sans emploi dans le nord, 7000 dans l'est, 1500 dans la seule ville de Roanne. L'industrie électronique, en pleine expansion, verrait son élan brisé, car l'Algérie représente 7 milliards de francs d'achat. Un savant mélange de raisons d'État et de raisons économiques qui ne manque pas d'interpeller les capitalistes, mais aussi les travailleurs et travailleuses de France. La disparition de l'Algérie, clé de voûte de l'édifice africain, entraînerait la dislocation de l'Union française. Le standard de vie des Français n'échapperait pas aux conséquences de cet effondrement. Ce serait des jours de vacances en moins, ce serait des facilités en moins, ce serait des plaisirs en moins. Être ou ne pas être une grande nation, telle est la question. La France mérite mieux que de se résigner à la retraite. Elle a mieux à faire que de vivre sur sa grandeur passée, de souvenirs et de recettes gastronomiques. Attention à demain. Pensez-y. La guerre d'indépendance d'Algérie a fait près de 300 000 morts du côté des Algériens et près de 10 000 du côté des Européens d'Algérie et des militaires français. Elle a coûté cher, très cher au peuple algérien, mais aussi à la France et à son image sur la scène internationale. Elle a précipité la chute d'un empire colonial qui, de toute façon, aurait été emporté par ce mouvement mondial de décolonisation qui a touché tous les empires coloniaux. Mais même après la guerre et la crise pétrolière qui l'a suivie, la France a tenu son rang économiquement. Si bien qu'aujourd'hui, elle est la cinquième puissance économique du monde. Quand on prend du recul sur l'analyse de ces images de propagande, qui servent à soutenir une idéologie ou à justifier une action, comme ça a été le cas pendant la guerre d'Algérie, eh bien on peut être tenté de remettre en question le discours officiel. Et finalement, ça n'est peut-être pas un mal. Car l'esprit critique et la vérification des informations que l'on nous présente est vital dans une société aussi médiatisée que la nôtre, où une image de propagande peut se glisser de façon assez habile dans les programmes, à la télévision, comme sur Internet, évidemment. C'est fini, j'espère que cet épisode vous a plu. Thank you. Aujourd'hui, je vais vous parler de pêche, de surpêche, d'aquaculture et de déséquilibre. Dans les années 1980, la population mondiale augmentait plus rapidement que l'approvisionnement en poissons pour la consommation humaine. Or, depuis les années 2000, la tendance est inversée. La croissance de l'approvisionnement a dépassé celle de la population. Alors, quels risques observe-t-on dans le secteur de la pêche et va-t-on vers des océans sans poissons ? Les ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons, sont de plus en plus consommées dans le monde. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, dans les années 1960, la quantité de poissons consommés en moyenne par an était de 10 kg par habitant. Et en 2014, elle était de 20 kg, donc deux fois plus en 50 ans. Cette augmentation est liée notamment à l'urbanisation, à l'augmentation des revenus et à l'évolution des modes alimentaires, d'une part avec l'occidentalisation des habitudes alimentaires dans les pays émergents et d'autre part avec le souci diététique dans les pays riches. Autre facteur, c'est l'explosion de la production. Selon la FAO, la production mondiale de poissons a été multipliée, elle, par 9 depuis 1950. Elle est passée de 19 millions de tonnes en 1950 à 167 millions de tonnes en 2014. Alors pourquoi ? Eh bien, pour comprendre, il faut regarder les deux techniques de production. La pêche en mer, bien sûr, et l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage, en bassin de mer, en cours d'eau et en étang. D'abord, la pêche en mer. On voit que depuis la fin des années 80, elle plafonne à environ 90 millions de tonnes par an. En 2014, elle s'élève à 93 millions de tonnes. Cette stagnation est due à l'augmentation du nombre d'espèces qui sont exploitées totalement ou même surexploitées, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps aux jeunes de grandir ou aux femelles de se reproduire. Pour la FAO, près d'un tiers des stocks capturés à des fins commerciales sont surpêchés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas à ces stocks le temps de se reconstituer avant d'être pêchés. C'est donc l'aquaculture qui a permis l'augmentation de la production. En 1974, elle représentait 7% de la production mondiale. En 2014, 44%, soit presque la moitié. 74 millions de tonnes, c'est plus que la production annuelle mondiale de viande bovine. On a donc cette révolution dans l'aquaculture, mais il y en a une autre dans la pêche mondiale. Le centre de gravité s'est déplacé vers l'est, de l'Atlantique vers le Pacifique et plus particulièrement vers la Chine et l'Asie du Sud-Est. Et l'Asie, ici définie selon l'ONU, occupe une place de plus en plus déterminante dans la consommation et la production. La tendance s'est accélérée ces dernières années. L'Asie représente aujourd'hui à elle seule environ 70% de la consommation mondiale de poissons, avec près de 100 millions de tonnes, dont plus de la moitié rien qu'en Chine. Car là, l'offre y est de plus en plus diversifiée pour les consommateurs, du fait de la croissance des revenus et en raison du développement spectaculaire de la production chinoise. Alors justement, regardons la production en Chine et en Asie en général. Premièrement, la pêche. L'Asie représente plus de la moitié des captures en mer. La Chine avec 18%, l'Indonésie avec 7%. Il y a aussi les pays que vous voyez ici, parmi lesquels on trouve l'Inde, la Birmanie, le Japon. Donc pourquoi une telle concentration ? Eh bien, parce que trois des quatre premières zones de pêche mondiale se trouvent justement en Asie. Celle du Pacifique Nord-Ouest, du Pacifique Centre-Ouest et celle de l'océan Indien Est. Maintenant, voyons la production aquacole en Asie, car elle concentre près de 90% de la production aquacole mondiale. Là aussi, la Chine représente à elle seule près des deux tiers du total. Il y a également l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, le Bangladesh. Alors pourquoi une telle domination de la Chine dans ce secteur ? D'abord, l'aquaculture en eau douce fait partie du système traditionnel agricole chinois. Ensuite, elle a explosé depuis le début des années 90 du fait de la politique nationale de mise en valeur des terres et des eaux. Aujourd'hui, presque toutes les surfaces aquatiques créées, ainsi que les lacs, les étangs naturels, sont utilisées pour produire du poisson en Chine. Alors, quelles sont les espèces utilisées pour l'élevage ? 68% sont des poissons à nageoires, 22% des mollusques, 9% des crustacés. Les espèces les plus élevées sont les carpes, le tilapia, les saumons, les truites et différents poissons d'eau douce. Et ce sont les espèces à faible valeur commerciale, telles que les carpes, le tilapia, les poissons-chats, pangas, qui représenteront la majeure partie de l'augmentation de la production aquacole dans les prochaines années. Dès lors, avec quoi ces poissons d'élevage sont-ils nourris? La question est d'autant plus importante que depuis 2014, l'aquaculture fournit plus de la moitié du poisson destiné à l'alimentation humaine, et elle en assurera près des deux tiers d'ici 2030 pour la FAO. Donc je reprends ma question, avec quoi les poissons d'élevage sont-ils nourris? Eh bien, avec différents types d'ingrédients protéiques. Traditionnellement, avec des farines et des huiles de poisson, provenant de la pêche, anchois, sardines, merlan bleu, maquereau, hareng, chinchard. Il faut environ 1,5 kg de poisson pêché en mer pour produire 1 kg de saumon d'élevage. C'est là le paradoxe. Environ un quart des volumes pêchés servent à nourrir d'autres poissons. La pisciculture, souvent présentée comme une solution à la surpêche, pèse en fait lourdement sur les ressources halieutiques. Et de plus, avec l'instauration de quotas sur ces espèces servant de poissons fourrage, la production de farine ne suffit plus à satisfaire la demande en aliments pour l'aquaculture. Le prix des farines de poissons a doublé durant la dernière décennie. Conséquence, les poissons d'élevage sont de plus en plus nourris avec des farines et des huiles végétales, venant par exemple du blé ou du soja. Et ainsi, la part des farines et des huiles de poissons a peu à peu diminué. Par exemple, pour les saumons atlantiques élevés en Norvège, elles représentaient 90% de leur nourriture en 1990 et aujourd'hui 30%. Alors, avantage, les farines et les huiles végétales contiennent moins de métaux lourds et de dioxines que les farines et les huiles de poisson, mais problème, elles ne répondent pas totalement aux besoins nutritionnels de toutes les espèces de poissons. De plus, après avoir pesé sur les ressources halieutiques, l'aquaculture pèse aujourd'hui sur les ressources végétales, c'est-à-dire que dans la compétition pour l'usage des terres agricoles, la filière destinée à l'alimentation des poissons entre en concurrence avec celle destinée à l'alimentation humaine. Et puis, il faut prendre en compte les farines animales issues des abattoirs. Après la crise de la vache folle en 2001, elles avaient été interdites pour tous les animaux élevés à des fins de production alimentaire sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Eh bien, depuis 2013, les farines animales sont de nouveau autorisées par la Commission européenne pour nourrir les poissons d'élevage. Alors, seules certaines farines sont concernées, ce sont les protéines animales transformées, c'est-à-dire des sous-produits de l'abattage non utilisés pour l'alimentation humaine, comme les os, et qui proviennent d'animaux vivants et sains au moment de l'abattage. Seules les protéines animales fabriquées à partir de volailles et de porcs sont autorisées, et celles fabriquées à partir de la filière bovine continuent à être interdites. Et ces dispositions sont applicables à tous les États membres. Voici les principaux producteurs aquacoles de l'Union européenne. L'Espagne avec 19% de la production européenne, le Royaume-Uni et la France avec 17%, l'Italie 12%, la Grèce 10%. Eh bien, à eux cinq, ils représentent donc les trois quarts de la production de l'UE. En France, les autorités et les professionnels se sont opposés à ces dispositions en plein scandale sur les lasagnes à la viande de cheval. Sauf que la France continue à importer du poisson d'élevage en provenance d'autres pays de l'Union européenne qui, eux, utilisent les protéines animales, ce qui est évidemment parfaitement contradictoire. Pour qu'on le comprenne, cette problématique de la nourriture des poissons d'élevage est une question tout à fait stratégique, d'autant plus que l'aquaculture devant la viande est la production animale qui augmente le plus vite dans le monde. Pour la première fois dans l'histoire, l'aquaculture dépasse les captures de poissons sauvages. Elle est en train de supplanter la pêche traditionnelle et c'est la production animale qui augmente le plus vite dans le monde. D'ici 15 ans, donc 2030, elle fournira les deux tiers de la consommation humaine de poissons. Et aujourd'hui, en 2017, presque un tiers des stocks de poissons commerciaux sont pêchés à des niveaux non durables. Or, une partie de ces poissons sont surpêchés

parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Édition spéciale, Jean-Marie Chevalier nous a rejoint sur le plateau de Première Édition. Bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions énergétiques, professeur à l'Université de Paris-Dauphine. On est dans une situation inédite et grave, Jean-Marie Chevalier. Oui, une situation grave. Situation grave parce que derrière cet accident, il y a quand même l'idée que ces centrales qui ont une trentaine d'années avaient été construites pour résister à des séismes d'une intensité très inférieure à celle qui s'est produite. 9, hein, puisque l'intensité a été réévaluée, c'est 9 degrés sur l'échelle de Richter. Alors 9, un séisme sous-marin avec un tsunami d'une violence extrême. Ce qui veut dire que ce que je crains, moi, c'est qu'on soit en face d'un phénomène de dérèglement climatique avec des phénomènes de multiplication d'événements extrêmes. Haïti, le Pakistan, le Japon. Et donc ça remet en cause la façon dont on a conçu certaines centrales il y a une trentaine d'années. Parce que vous nous rappelez effectivement une chose essentielle, c'est que là on est dans un pays où vraiment les critères de sécurité sont considérables. Oui. Et vous nous rappelez effectivement avec beaucoup d'acuité que des centrales peut-être du même type sont en fonctionnement dans des pays où ces notions ont moins d'importance, le Pakistan, vous dites, la Chine aussi, peut-être, oui, absolument, oui. Et également, avec des risques comparables. Avec des risques qui pourraient être comparables. Soyons extrêmement prudents, sur l'interprétation de ce qui se passe et sur les leçons qu'on peut en tirer. Moi, j'ai quand même un peu frappé de voir qu'il y a des réactions émotionnelles un peu trop rapides par rapport à ces événements. Il faut prendre du temps pour analyser, pour voir quelles sont les leçons à tirer de cela. Mais peut-on véritablement intervenir, Jean-Marie Chevalier, sur des programmes qui sont en cours ? Alors je dirais, ça dépend. Ou des centrales en fin de vie ? Je vous donne deux exemples. La Chine, par exemple. La Chine va continuer à construire des centrales nucléaires. Je ne pense pas que l'accident japonais va changer beaucoup de choses, sauf, sans doute, une réflexion chinoise, comme dans tous les pays, sur les normes de sécurité à exiger. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il faudrait que cet accident japonais nous amène à réfléchir davantage sur les normes de sécurité internationales qui s'imposent partout pour éviter la multiplication de centrales qu'on pourrait appeler du low-cost. Et qui ne respectent pas les mesures de sécurité. Que dit l'observateur qui assiste, comme nous, à l'accélération des événements ? Que les Japonais sont, ce matin, paraissent un peu dépassés ? Ben oui, il y a quand même des nouvelles assez alarmantes. Hein, et donc, on a quelque chose d'extrêmement complexe, qui était quand même très inattendu, et qu'il faut gérer. Il faut gérer avec des informations qui sont diffuses, qu'on a du mal à collecter. Et donc, l'action, les décisions à prendre sont extraordinairement difficiles. Dès que l'aube sur la colline disperse sa claire couleur, chantant le héros de la mine, d'un pas léger marche au labeur, pour le bonheur de sa famille, pour lui gagner un peu de pain, il va tandis qu'un soleil brille vers le danger avec entrain. Honneur à toi, mineur, et gloire à ton labeur. Toi qui sans murmurer travailles sans relâche, toi qui malgré l'effort mène ta lourde tâche. Honneur à toi, mineur, toi qui luttes sans peur. Honneur à ton métier, honneur à ta vaillance, sois fier de tes combats qui font vivre la France. La mine et la mort qui menacent, mais le mineur n'a jamais peur. Le grisou règne dans l'espace, le dur charbon sur son vainqueur étend parfois son ombre noire

l'Europe ne s'est pas construite en un jour. De la fin de la guerre à la CECA, de la CECA à la CEE, de la CEE à l'Union européenne, afin de faire l'Europe que l'on connaît aujourd'hui, il a fallu bâtir chaque partie du puzzle européen. Tout commence en 1946. Winston Churchill, alors Premier ministre du Royaume-Uni, lors d'un discours à l'université de Zurich, évoque l'idée des États-Unis d'Europe. We must recreate the European family in a regional structure, called it maybe the United States of Europe. En 1950, Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, alors ministre des Affaires étrangères français, propose une mise en commun des ressources minières entre la France et la République fédérale allemande. Un an plus tard, la Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée par le traité de Paris. Elle a pour but d'unifier les ressources minières de la France, la République fédérale allemande, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Le 25 mars 1957, le traité de Rome est signé par les 6 pays de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité a pour but de mettre en place la Communauté économique européenne qui propose une mise en commun des marchés européens. En 1973, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni rejoignent la Communauté économique européenne. Et en 1981, la Grèce rejoint la Communauté économique européenne. En 1986, l'Espagne et le Portugal intègrent la CEE. La même année, l'acte unique européen est signé. Cet acte a pour but d'élargir le pouvoir de la CEE dans la recherche, le développement écologique et technologique, ainsi que la politique sociale. Le 7 février 1992, le traité de Maastricht est signé. La CEE devient l'Union européenne. Ce traité prévoit de mettre en place une monnaie européenne. Il propose aussi la citoyenneté européenne et la coordination des polices de chaque pays membre. En 1995, l'espace Schengen est créé. Il permet aux citoyens européens de voyager librement, sans frontières, dans l'espace européen. La même année, l'Autriche, la Suède et la Finlande entrent dans l'Union européenne. L'Europe compte désormais 15 pays. En 1999, l'euro est créé, puis en 2002, l'euro est mis en circulation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et au Portugal. En 2004, 10 pays entrent dans l'Union européenne. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. L'Europe compte désormais 25 pays. En 2007, le traité de Lisbonne est signé par les États membres de l'Union européenne. Ce traité a pour but de modifier l'architecture institutionnelle de l'Union. La même année, la Roumanie et la Bulgarie intègrent l'Union européenne. L'Europe compte désormais 27 pays. C'était la rafle du 14 mai. Je ne sais pas si vous la savez. On a commencé à arrêter les Juifs étrangers. En quelle année? C'était en 41, le 14 mai 41. Il a reçu une convocation. On lui a dit, vous venez au commissariat avec deux personnes. Et le 14 mai, mon père a mis son beau costume du dimanche. Je me souviens qu'il est venu me voir, j'étais encore couchée. C'est très important le lit, parce que à chaque grande épreuve, je me mettais dedans comme si je voulais redevenir fœtus. Hein. Je me souviens qu'il est venu, et il s'est penché vers moi, il m'a embrassée. Et je n'ai pas compris, parce que c'est la seule fois où j'ai vu mon père avec les yeux remplis de larmes. Donc il savait que c'était... Il n'a pas pleuré, mais j'ai été frappée. Il est allé au commissariat, et là, on les a immédiatement déportés au corps de Bonnard-Hollande. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Depuis le 1er mai, Luxembourg est devenu la capitale d'un nouvel État, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont le gouvernement, la haute autorité, est présidé par un Français, M. Jean Monnet. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays, librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en Union soviétique. C'est en effet un nouvel État de 155 millions d'habitants qui vient de naître. Et cette fusion économique acceptée par six pays met fin à une anomalie, le morcellement séparant les richesses minières et sidérurgiques que la nature a réunies dans les limites de ce triangle. C'est le premier acte concret qui ait jamais été fait en faveur d'une Europe unie. Dans une usine luxembourgeoise, en présence de représentants des gouvernements américains, britanniques, suédois et danois, M. Jean Monnet fait couler d'un haut fourneau la première fonte européenne. Les effets du plan Schuman vont être rapidement visibles. La production européenne va augmenter de moitié en 10 ans. À Luxembourg s'installe la haute autorité de la communauté charbon-acier, qui veille au bon fonctionnement des échanges. Son premier président sera Jean Monnet, l'inspirateur du plan Schuman, le père de l'Europe, le voici. Bonjour à tous, moi c'est Milana et bienvenue sur ma série grise. Aujourd'hui je vais aborder l'Union européenne. Je me dis que tout le monde connaît le nom, mais pas forcément comment elle est née et certains avantages qu'elle apporte. En revanche, je vais rester du côté juridique et historique de la chose, car les opinions politiques de tout le monde divergent, et c'est normal. Mais le but, c'est pas de conforter la vie de certains et de rejeter celui des autres. Commençons par un peu d'histoire pour situer sa création. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui est un peu comme la grand-mère de l'Union Européenne. L'idée en la créant était de rapprocher la France et l'Allemagne, la RFA à l'époque, pour éviter de nouvelles guerres sanglantes, et même en général éviter que tout le monde se tape dessus sur le continent grâce à l'intégration économique. L'idée est bonne et logique, car si les pays échangent, ils n'ont pas d'intérêt à se faire la guerre. 15 institutions sont créées, la Haute Autorité, l'Assemblée, le Conseil et la Cour de Justice. Et gardez à l'esprit que ce sont toujours des institutions de l'UE. Alors, 6 pays, la France, la RFA, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg, signent le traité de Paris en 1951, prévu pour 50 ans et qui a institué un marché commun du charbon et de l'acier et libéré la circulation de ces marchandises. Un peu plus tard, en 1957, ces 6 pays signent un nouveau traité, le traité de Rome, qui crée deux nouvelles communautés, Euratom et la CEE. Euratom permet de contribuer à la recherche et au développement de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, c'est un traité qui est un peu caché, on va dire. Il est là, mais pas trop là. vu que la France y tient fortement alors que l'Allemagne ne le veut plus. Ce qui donne une situation un peu étrange. La CEE, quant à elle, instaure la coopération économique. Ce traité de Rome apporte les quatre libertés. La liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Et peu à peu, d'autres pays décident que c'est plus avantageux de rejoindre les communautés que de rester dans son coin. Notamment le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande en 1972. À la base, la Norvège a aussi négocié le traité, mais finalement ça n'a pas abouti. Ce qui est étonnant aussi, c'est que le Royaume-Uni n'était pas intéressé par l'intégration politique et communautaire, mais seulement par l'économique. Mais il a quand même décidé de rejoindre le club, et on ne saura jamais vraiment pourquoi, vu que ça a toujours été un des plus réticents post-adhésion. Fun fact, en 1975, un traité donne le pouvoir au Parlement, donc l'Assemblée à l'époque, de décision sur le budget. Ce pouvoir a été utilisé pour provoquer une crise du budget et obtenir enfin le pouvoir de voter sur les dispositions juridiques. En gros, c'était « si vous ne donnez pas le pouvoir, ben on vous donne pas le budget ». Malin. Bref, grosse crise de légitimité, déficit démocratique, alors encore un nouveau traité pour que les représentants au Parlement soient élus au suffrage universel direct. Ça sent un peu le supranational tout ça. Fun fact numéro 2. Actuellement, il y a un peu une grosse panique autour de comment le Royaume-Uni va sortir de l'Union Européenne. En mode « Oh mon Dieu, c'est impossible, c'est du jamais vu !» ou encore avec l'indépendance de la Catalogne. Mais en fait, rien n'est impossible. Vous voyez le Groenland, le territoire appartenant au Danemark ? Là, il a voté par référendum de 1982 sa sortie de communauté européenne. Qui ont donc pris acte de cette décision et ont fait un traité qui prévoyait la sortie du Groenland de la CECA et de Rotem, mais pour la CEE, il sera considéré comme un territoire d'outre-mer. Et cet événement pourra être utilisé et étudié pour gérer au mieux les récents événements. On avance un peu dans le temps et arrivent les accords Schengen. Il y en a deux en fait. Un qui amène l'idée de la suppression du contrôle aux frontières et l'autre qui s'occupe de la mise en place. Ces accords se sont passés en dehors du cadre des communautés, entre ceux qui voulaient participer. Ils savaient dès le départ que ce serait compliqué de mettre tout le monde d'accord. Il y a donc des pays qui ne sont pas des membres des communautés, mais qui bénéficient de ces accords, comme la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège, et d'autres qui sont membres mais qui n'en font pas partie, comme le Royaume-Uni et l'Irlande. Problème, vu qu'il n'y a plus de contrôle aux frontières, qui s'occupe des demandes d'asile ? Alors le traité de Dublin arrive pour régler cette question. C'est le premier pays d'entrée qui décide si la personne peut obtenir un statut de réfugié ou non. Mais il n'harmonise pas les critères d'octroi en monde d'asile, c'est-à-dire certains pays seront extrêmement stricts et d'autres au contraire plus indulgents. Ce qui pose clairement un problème d'égalité de traitement. En 1992, le traité de Maastricht est signé par 12 pays, qui font ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union Européenne. À ce moment-là, l'Union n'a pas d'institution propre, elle s'articule comme elle peut autour de celle de communauté. Elle est soutenue par 3 piliers, la Communauté Européenne qui remplace la CEE et sur laquelle sont greffées la CECA et Euratom. Le deuxième pilier, c'est la coopération en matière de politique étrangère et sécurité commune. Et la troisième, c'est la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. On peut dire qu'il y a un quatrième pilier, celui de l'union économique et monétaire, mais qui est bien caché. Théoriquement, cette union est négociée en dehors du cadre communautaire, mais il est intégré dans le traité instituant la communauté européenne, qui d'ailleurs s'appelle désormais le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Faut être bien accroché là-dedans, j'espère que je ne vous ai pas perdu. L'ambition de l'union économique et monétaire est de créer une monnaie unique et la Banque centrale européenne. Il y a trois étapes pour y arriver. La première, c'est la libéralisation de la circulation des capitaux. La deuxième est une coordination renforcée en matière de politique économique pour que les économies des États membres soient au niveau semblable. Le but visé était de réduire l'inflation. Pensons au traumatisme allemand suite à l'inflation qui crevait le plafond et qu'il fallait payer par des brouettes de billets pour payer une miche de pain. Diminuer les taux d'intérêt et les fluctuations des échanges, et aussi limiter les déficits de la dette publique des États. Et la dernière est la création de la monnaie unique et de la Banque Centrale Européenne. Le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède, qui avaient les critères pour faire partie de la zone euro, ont négocié de rester en dehors. Les autres États qui ne sont pas encore dans l'eurozone, c'est parce qu'ils ne remplissent pas les critères et qu'ils sont en train de travailler dessus. C'est aussi ce traité qui apporte la citoyenneté européenne aux citoyens dont l'État fait partie de l'Union. Au niveau embryonnaire, certes, la citoyenneté qui nous donne des droits, comme voyager et résider librement dans les pays de la communauté, possibilité d'être protégé par l'ambassade ou consulat de n'importe quel État membre si le pays du citoyen n'est pas représenté, le droit de voter et d'être élu dans l'État où l'on réside pour des élections européennes, le droit de pétition devant le Parlement européen, et le droit de déposer auprès du médiateur européen une plainte concernant un mauvais fonctionnement de l'administration communautaire. Suite au traité de Maastricht, il y avait pas mal d'autres traités, car il y avait besoin de réformer les institutions et de démêler en général l'espèce de méli-mélo qui s'est empilé au fil des années. En 2004, un traité établissant une constitution pour l'Europe est signé par les chefs d'État et de gouvernement. Il aurait pu permettre de ranger toutes les choses apportées par la multitude de traités sous un seul traité. Mais il n'est jamais entré en vigueur car il devait être ratifié par tous les membres, et ça n'a pas été le cas. Mais du coup, en 2009, le traité de Lisbonne est entré en vigueur et qui reprend à plus de 90% ce qui a été prévu dans le traité établissant la constitution sous forme d'amendement. C'est notamment avec ce traité que l'Union aura ses propres institutions. Il y aura donc enfin la personnalité juridique. Ah, et vous vous souvenez de l'histoire des trois piliers ? Eh bien, le traité de Lisbonne simplifie le fonctionnement des institutions en fusionnant ces trois piliers. Si vous voulez voir plus précisément les modifications apportées, je vous ai mis un lien dans la description. En tout cas, vous l'aurez compris, l'Union européenne est un millefeuille de traités, de législations qui ont l'air opaques et compliquées. et parfois on ne sait plus trop pourquoi on se prend la tête à faire partie de cette union. Mais la création de la CECA à l'époque était quelque chose de très nouveau, de révolutionnaire. Il est donc à quelque part normal que tout ne soit pas parfait. Et l'union s'adapte avec le temps, comme elle peut. Il ne faut pas oublier que même si les États membres ont transféré une partie de leurs compétences, ils restent souverains. Il y a 28, bientôt 27 États souverains qu'il faut mettre d'accord, alors que parfois on n'arrive même pas à se mettre d'accord entre 3-4 potes. Et comme on dit, à plusieurs on est plus fort que tout seul, et là c'est pareil. L'Union européenne a plus de pouvoir face aux autres superpuissances que chaque pays tout seul. On peut dire que l'Union fait la force. Bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais je pense sincèrement que l'Union européenne a encore beaucoup de choses à apporter. Il y a bien sûr encore beaucoup de choses à dire sur la BCE, Copernicus ou même Erasmus, mais je vais m'arrêter à là. S'il y a un aspect particulier sur lequel vous voudriez que je fasse un épisode, faites-le savoir en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et si oui, mettez des pouces en l'air, n'hésitez pas à commenter, etc., etc. Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous allons partir d'une photo difficile. L'une de ces photos qui réveille les consciences, les mauvaises consciences. Elle s'appelle Saïda Baghili. Elle a 18 ans. Elle est le visage de la famine au Yémen. Les traits décharnés de Saïda ont fait le tour du monde à l'automne 2016 et la une du Times notamment. Le Yémen ou la guerre oubliée, oubliée comme tant d'autres conflits qui génèrent autant de crises alimentaires. Même si, nous allons le voir dans cette émission, plusieurs facteurs s'entremêlent toujours lorsque l'on parle de situation de famine, avec toujours bien sûr cette question, comment peut-on encore mourir de faim au XXIe siècle ? La faim est très inégalement répartie dans le monde. Regardez cette carte de la faim établie par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, en 2015. On voit les pays où la sous-alimentation touche plus de 5% des habitants, comme en Chine par exemple, plus de 15% de la population, comme en Inde, plus du quart de la population en Afghanistan, au Yémen ou à Madagascar entre autres, et enfin, les 5 pays où plus de 35% de la population souffre de la faim, en Haïti, en Corée du Nord, en République centrafricaine, en Namibie et en Zambie. Les causes de la faim sont complexes, avec des facteurs politiques, économiques et climatiques qui s'enchevêtrent étroitement, on y reviendra. Avoir faim ou être sous-alimenté, c'est selon la FAO, ne pas disposer du minimum de 2100 calories par jour. Au total, près de 800 millions de personnes sur 7,5 milliards d'habitants de la Terre souffraient encore de la faim en 2016, soit environ un être humain sur 10. Et l'immense majorité vit dans des pays dits en développement, principalement en Asie, où 426 millions de personnes sont sous-alimentées. L'Asie du Sud est particulièrement touchée. Un habitant sur 7 environ souffre de la faim dans la région. Et puis en Afrique, 224 millions de personnes sont frappées par la faim. L'Afrique subsaharienne est la région du monde qui connaît le plus fort pourcentage de personnes en manque de nourriture. Près d'un habitant sur 4 n'y mange pas à sa faim. À l'échelle planétaire, la faim a pourtant beaucoup reculé depuis une vingtaine d'années, principalement en raison du développement de la Chine et aussi de l'Asie du Sud-Est. Le nombre de personnes touchées par la faim a baissé de 18,6% de la population mondiale au début des années 90 à 11% environ en 2016. Et pourtant, dans la même période, la population mondiale est passée de 5,3 milliards à plus de 7,5 milliards. Alors à présent, on va essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre. La pauvreté et le sous-développement sont le terreau dans lequel s'enracine la malnutrition, premier stade dans l'échelle de la faim. En mars 2017, les 37 pays que vous voyez sur cette carte avaient besoin d'une aide alimentaire extérieure. À ce stade plus avancé, on parle d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que les habitants n'ont plus un accès physique ou économique à la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Plus que l'insuffisance de la production alimentaire mondiale, c'est bien cet accès à la nourriture qui fait problème aujourd'hui. Comment l'expliquer ? Eh bien, les causes sont multiples, mais on peut en retenir trois essentielles. Le dérèglement climatique, notamment la sécheresse et les inondations, entraînent des pénuries locales. Les prix trop élevés par rapport au pouvoir d'achat des habitants, qui rendent les produits inaccessibles. Et enfin, les conflits armés, qui désorganisent la production et l'accès au marché. Le facteur climatique, la cherté des produits alimentaires et la guerre se combinent et s'aggravent mutuellement dans toute crise alimentaire d'importance. Alors comment passe-t-on de la faim à ce qu'on nomme précisément famine ? Voici la situation d'une partie de l'Afrique et du Yémen début 2017. Les couleurs que vous voyez correspondent à ce que les spécialistes appellent Integrated Food Security Phase Classification ou IPC. C'est un outil pour mesurer les degrés de la sécurité alimentaire. En vert, la situation alimentaire est normale. En orange, c'est la crise. La couleur rouge indique l'urgence alimentaire. En marron, c'est la famine, la pire forme de la faim. Les populations ne peuvent plus se nourrir. Elles manquent aussi d'eau. La mortalité est très élevée, notamment chez les enfants. Début 2017, 50 millions de personnes environ avaient besoin d'aide alimentaire d'urgence. dans une vaste région qui va du nord-est du Nigeria au Yémen, la République centrafricaine, la Somalie et le Yémen se sont trouvés en état d'urgence alimentaire, tandis que la famine proprement dite était déclarée au nord-est du Nigeria, dans l'état du Borno, et au Soudan du Sud. Alors comment expliquer cette situation? D'abord, tous ces pays connaissent des conflits armés, souvent depuis de longues années. Selon le rapport mondial sur les crises alimentaires de 2017, les guerres sont en effet un facteur majeur dans 9 des 10 pires crises humanitaires de la planète. Au Soudan du Sud, par exemple, la guerre civile dure depuis 3 ans et s'est progressivement étendue sur tout le territoire. Les paysans abandonnent leurs terres et fuient en masse dans les pays voisins. Au nord-est du Nigeria également, les combats entre la secte Boko Haram et l'armée ont fait au moins 20 000 morts civiles depuis 2009. On comptait environ 4 millions de personnes déplacées et réfugiées au printemps 2017. Le Yémen, enfin, est déchiré par la guerre, depuis qu'une coalition menée par l'Arabie Saoudite a lancé en mars 2015 une campagne de bombardement contre les rebelles houthistes. Ces conflits armés désorganisent complètement la production agricole qui fait vivre la très grande majorité des habitants. De plus, l'aide humanitaire ne parvient pas dans les zones les plus reculées, trop dangereuses d'accès. La sécheresse, en anéantissant les récoltes, a encore aggravé la situation pour les paysans. Vous voyez sur la carte les zones où en 2016, les pluies ont été inférieures de 30% par rapport à la période 2012-2015. On voit qu'au Soudan du Sud et surtout en Somalie, le manque de pluie se combine avec les combats pour amplifier le désastre. Et cette sécheresse sévit pour la 3e année consécutive dans la région. Au total, 12,8 millions de personnes en Éthiopie, en Somalie, au Kenya et en Ouganda connaissent des niveaux très importants d'insécurité alimentaire. La Somalie est une fois encore l'épicentre de cette crise alimentaire de grande ampleur. Entre 2010 et 2012, la famine causée par la sécheresse et la guerre avait déjà tué plus de 250 000 personnes, dont la moitié d'enfants. Mi-2017, l'absence de récolte et les pertes de bétail ont fait fuir des centaines de milliers de paysans vers les villes et les camps de déplacés. Et dans le sud-ouest du pays, une des zones les plus affectées par le manque d'eau, les attaques du groupe islamiste des Chebabs empêchaient l'intervention des humanitaires. Alors l'Afrique a connu des famines historiques qui ont marqué les mémoires, notamment au Sahel entre 1968 et 1972 et en Éthiopie au milieu des années 80, 1 million de morts à chaque fois. Mais on sait moins que depuis les années 1990, selon la FAO, le nombre de crises alimentaires sur le continent africain a doublé et depuis 25 ans, ces crises plus nombreuses sont aussi plus longues que par le passé. Alors pourquoi? Eh bien parce que pendant cette période, de nombreux pays africains ont progressivement libéralisé leur secteur agricole. Les prix des matières premières agricoles, désormais fixés sur les marchés mondiaux, sont volatiles et sujets à des phénomènes de spéculation. En 2007-2008, la hausse des prix des céréales a ainsi entraîné des émeutes de la faim sur le continent. Les politiques dites d'ajustement structurel imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont également réduit les capacités des États africains à soutenir leur agriculture. On voit sur ce graphique que la part des dépenses agricoles dans le budget a fortement diminué. Elle représentait environ 4% du budget en moyenne en 2010, très loin de l'objectif de 10% fixé par les Nations Unies dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Sans politique agricole forte, l'Afrique dépend des importations pour ses produits alimentaires de base, viande, huile, riz. Le Nigeria était ainsi le premier importateur mondial de riz en 2013. L'ouverture des achats de terres aux étrangers, toujours sous influence des bailleurs de fonds internationaux, a également fragilisé la paysannerie africaine. Dans les pays en vert foncé sur la carte, ces achats fonciers ont dépassé le million d'hectares. En Éthiopie, par exemple, des acheteurs indiens investissent dans d'immenses plantations intensives de roses. Et comme partout sur le continent africain, des multinationales se sont lancées dans la production à grande échelle d'agrocarburants au détriment des cultures vivrières. Alors bien sûr, malgré tout, on l'a dit, la faim dans le monde recule globalement depuis 20 ans. Et jusqu'à peu, on pouvait encore penser que les épisodes de famine diminuaient en intensité et en récurrence et qu'il fallait davantage se pencher sur les situations de sous-alimentation chronique. Sauf que ces derniers mois, les crises alimentaires au Soudan du Sud, au Yémen et en Somalie notamment ont démontré le contraire. Et l'aide alimentaire internationale n'a pu contenir ces nouveaux drames, faute de dons et souvent de possibilités d'accès aux territoires concernés. Pour aller plus loin, deux ouvrages, celui du grand spécialiste du sujet Jean Ziegler, « Destruction massive, géopolitique de la faim », publié aux éditions du Seuil en 2014, et puis « Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde » de Bruno Parmentier aux éditions La Découverte, un livre qui démontre que l'élimination de la faim relève d'abord de l'action politique. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. qu'est-ce qui se passerait si toute l'eau de la Terre disparaissait? Bon, déjà, fini les jacuzzis, la piscine et les bonnes petites douches le matin. Mais la question est, qu'est-ce qui se passerait vraiment? Est-ce qu'on mourrait tous en quelques jours? Est-ce que certains animaux arriveraient à survivre? On va voir tout ça ensemble, juste après le générique. Accrochez vos slips, c'est parti. Alors déjà, pour que ce genre de choses arrive, il faudrait imaginer un scénario du type des aliens ont besoin d'eau et décident un jour de nous pomper toutes les réserves d'eau de notre bonne vieille Terre. Espèce d'enfoiré ! Mais avant de rentrer dans les détails, on va d'abord parler chiffres. La Terre, c'est avant tout une superficie de 510 millions de kilomètres carrés. Et sur ces 510 millions, 70%, bah, c'est de la flotte. De l'eau, quoi. Alors qu'est-ce que ces 70% représentent exactement? Ah, ce sont évidemment les mers, les lacs, les rivières, mais aussi les océans, les calottes polaires, etc. Alors si on regroupait toute l'eau de la Terre en un seul endroit, on obtiendrait alors un chiffre de 1,400 milliard de kilomètres cubes. Pour vous donner une petite idée, 1 mètre cube représente 1000 litres. Chaque année, c'est environ 120 000 km cubes d'eau qui tombent sur les sols de notre planète. Et ça grâce aux précipitations. Alors je précise sur les sols, hein, parce qu'il en tombe également 450 000 km cubes dans les océans, les lacs, les rivières, etc. Sur ces plus de 400 000 km cubes, c'est 500 000 km cubes qui s'évaporeront. Les océans représentent à eux seuls 97% de l'eau présente sur Terre. Et là, vous vous dites, bordel, ça fait un paquet d'eau en stock. Je vais pouvoir laisser couler mon robinet un petit peu plus longtemps ce soir. Eh bien non! Même si les chiffres sur l'eau présente sur Terre sont astronomiques, sachez que seulement moins de 3% de cette eau est douce. Et sur ces 3%, 2% sont bloqués dans les calottes glaciaires et les glaciers. Alors là vous vous dites, merde, il doit bien en rester un peu quelque part. Ouais, dans le sol. 0,5% pour être exact. Et pour ce qui est des sources directes comme les lacs ou les rivières, eh bien cette eau ne représente plus que 0,014%. En gros, non seulement les sources d'eau potable représentent un très faible pourcentage de l'eau totale présente sur Terre, mais en plus de ça, la plupart de cette eau est inaccessible pour les humains. Et c'est pas tout, parce que eau douce ne veut pas dire forcément eau potable. D'ailleurs, le chiffre fait assez peur, hein, car c'est au final seulement 1% de l'eau sur Terre qui peut être utilisée comme eau potable. Un autre petit chiffre intéressant, presque 70% de l'eau douce présente sur Terre est contenue dans les glaciers, les neiges éternelles, les calottes glaciaires, etc. La plupart se trouvent dans une seule et unique région, l'Antarctique. Pour vous donner une petite représentation, voilà ce qu'on pourrait voir si on regroupait toute l'eau présente sur Terre en un seul endroit. Une forme arrondie d'à peine 1400 km de diamètre, soit à peine plus que la distance Paris-Madrid. Là encore, pour vous faire une petite idée, voilà ce que donneraient toutes les réserves d'eau douce à côté de toutes les réserves d'eau présentes sur Terre. C'est la petite bille, juste là. En gros, ici, on fait la différence entre l'eau disponible sur Terre et l'eau douce, qui sont deux choses très différentes. Là, tout de suite, on a beaucoup moins envie de laisser son robinet ouvert. Parce qu'on se rend compte que même si de l'extérieur notre planète renvoie un bleu magnifique, bah les réserves d'eau potable, elles sont quasiment inexistantes. Bon, mais tout ça, ça répond pas à notre question existentielle. Qu'est-ce qui se passerait si toute l'eau de la Terre disparaissait? Bon, déjà, ce qu'on peut commencer par faire, c'est calculer qu'est-ce qui se passerait si toute celle des océans venait à disparaître. Parce que si vous avez suivi ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure... T'as suivi, n'est-ce pas? L'eau des mers et des océans, c'est 97% de l'eau présente sur Terre. Donc en gros, ça nous donnerait déjà un bon aperçu. Et pour comprendre ce qui se passerait, il faut déjà comprendre le rôle que jouent nos océans. Un des rôles essentiels est celui qu'ils ont par rapport au soleil, puisqu'ils absorbent ses rayons. Les températures les plus hautes dans l'eau se situent donc à la surface de la mer, les rayons du soleil étant absorbés dans les premiers mètres d'eau. C'est pour ça que l'eau est toujours plus chaude à la surface que 5 mètres en dessous. Grâce à tout ça, l'océan est un énorme réservoir de chaleur. Il se réchauffe mais se refroidit également très lentement, c'est d'ailleurs ce qu'on appellera l'inertie thermique. Sans cette eau qui absorbe la chaleur, dans les régions très ensoleillées comme l'équateur, le climat deviendrait désertique. Les océans permettent également de faire circuler les courants chauds et froids, envoyant les eaux chaudes vers le nord et les eaux froides vers le sud, de façon à réguler un maximum la température partout sur le globe. Mais ce qui serait vraiment catastrophique si les océans venaient à disparaître, viendrait du fait que le cycle de l'évaporation serait brisé. Rappelez-vous, en début de vidéo, on avait vu que chaque année, il tombait environ 450 000 km cubes d'eau sur notre planète, contre plus de 500 000 km cubes qui s'évaporaient. Avec ces chiffres, on comprend donc que l'eau ne fait pas que stagner une fois qu'elle touche le sol, mais qu'elle qu'elle se recycle en permanence sur la surface de la Terre. Bref, grâce aux océans et au soleil, c'est plus de 15 milliards de litres d'eau qui s'évaporent des océans chaque seconde. Une fois évaporée, l'eau se transforme en vapeur d'eau et retombera ensuite dans le monde entier sous forme de neige, de pluie, de rosée, etc. Du coup, sans océan, bah, pas d'évaporation, et sans évaporation, pas d'eau. Et sans eau, bah, c'est la mort. Bref, vous venez de voir que le trajet de l'eau dans le ciel jouait un rôle essentiel pour ce qui est de la distribution de l'eau sur Terre. Mais il permet également de stimuler la répartition de la chaleur. Bon, mais bordel, tu vas nous dire ce qui se passerait si les océans étaient à sec, ou tu vas continuer à nous parler des nuages? Ok, alors, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passerait si les océans se vidaient du jour au lendemain? Ah, déjà, sans surprise, c'est environ 97% de l'eau de notre planète qui vient de partir en fumée. Ça fait un peu chier quand même. Heureusement, il nous reste encore 3 petits pourcents qui sont les sommets enneigés, les lacs, les étangs, les rivières, ainsi que les eaux souterraines. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour espérer faire redémarrer le cycle de l'eau qu'on avait grâce aux océans. Les nuages, auparavant très nombreux, grâce aux grandes quantités d'eau qui s'évaporaient des océans, sont maintenant extrêmement rares, tout comme les pluies presque inexistantes. La chaleur n'étant plus absorbée par les océans, la plupart des régions deviendraient désertiques et toute forme de vie cesserait de proliférer. Les provisions en eau diminueraient un peu plus chaque année, ce qui finirait d'emporter le peu de vie restante présente sur Terre. Il existe cependant des gens qui arriveraient peut-être à survivre en ermite. Je pense notamment aux fermes ou aux maisons ayant accès aux sources souterraines, grâce aux grottes ou aux puits. Du coup, le problème ne serait pas l'eau, mais la nourriture. Les puits sont extrêmement importantes pour un bon nombre de cultures, mais malgré tout, et sans elles, on pourrait dire adieu à la plupart des fruits et légumes qu'on a dans notre assiette. Pourtant, il serait tout à fait possible de cultiver des fruits et des légumes sans elles. On pensera par exemple aux serres. Les plus chanceux ayant des sources d'eau souterraines n'auraient alors pas de mal à construire un système d'irrigation afin de faire pousser différents types de fruits et de légumes. Et ça, même s'il ne tombait plus une seule goutte d'eau par an. Mais est-ce que vous saviez que même si vous n'aviez pas le moyen d'irriguer vos cultures, il vous serait alors possible de cultiver des fruits, voire même des légumes, sans une seule goutte d'eau? Non, c'est pas du fake, hein. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de Pascal Pout, c'est un fermier qui habite près de Béziers, donc dans une région où il fait très très chaud, et qui a plus de 3 hectares de cultures qui n'ont pas accès à l'eau. Et pourtant, ça l'a pas empêché de récolter d'énormes tomates juteuses, et ça même en pleine période de sécheresse. Alors soit Pascal est un dieu vivant, soit il a trouvé une astuce auquel on n'avait pas pensé. Eh bien, d'abord c'est de faire en sorte que la terre soit fertile, et puis je plante les plantes et après je m'en occupe plus. Les plantes, elles apprennent à résister soit à la sécheresse ou aux excès d'eau, aux maladies. Tout ce qu'elles apprennent, elles le transmettent à leurs descendants, c'est-à-dire aux semences. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrosent sans arrêt comme ça à soif. Quand il y a une maladie, ils traitent. Donc les plantes n'apprennent jamais à résister à une maladie, ni à résister à sécheresse. À ce bon vieux Pascal, il a découvert que les graines industrielles, hein, celles du commerce quoi, n'étaient pas assez résistantes au manque d'eau. Il s'est donc tourné vers des variétés un peu plus anciennes, et il a continué de les replanter chaque année. Et le résultat est assez incroyable. Mais pour en revenir à la terre, et même si tout ça est très positif, sachez que même en appliquant toutes ces petites astuces et en essayant de s'adapter du mieux possible, eh bien, on crèverait tous. Bah oui, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, grâce aux océans, les rayons du soleil étaient absorbés. Mais maintenant qu'ils ont disparu, eh bien, c'est le gros bordel. L'équateur deviendrait un vrai four, et les gaz à effet de serre emprisonneraient l'énergie du soleil près du sol, ce qui amènerait la température sur Terre à atteindre les 145 degrés. Même les animaux et les insectes, comme les scorpions ou les coléoptères, habitués à résister aux fortes chaleurs du désert, bah, ils n'y survivraient pas. Un des seuls lieux encore habitables serait en fait l'Antarctique. Bon, déjà, faudrait y avoir pensé, et quand bien même t'y aurais pensé, bah, faudrait ensuite pouvoir t'y rendre. Et là, on va pas se mentir, ça se complique un petit peu. Pour ça, il vous faudrait vous rendre à Buenos Aires pour prendre un avion qui vous emmènerait ensuite à Ushuaia, une ville d'Argentine. De là, il vous faudrait trouver un navire spécial qui vous permettrait de vous emmener en Antarctique. Bon, à partir de là, si vous avez de mal de mer, bah, préparez des sacs à vomito, hein. Parce que le trajet, il prendrait en moyenne entre 10 jours et 3 semaines. Ceci étant, si on y arrivait, on aurait une petite chance de pouvoir y survivre, puisque ce serait le seul endroit au monde avec encore suffisamment de glace pour refroidir l'air ambiant et permettre à quelques rares formes de vie d'y prospérer. Enfin, vous excitez pas, hein, parce que c'est pas le paradis non plus. Le peu de personnes ayant réussi à atteindre cet endroit devraient ensuite lutter pour survivre. Ah oui, parce que si l'eau en Antarctique, c'est plus trop un souci, la nourriture par contre, c'est un petit peu compliqué. Qui plus est, l'Antarctique étant très sauvage, il n'y aurait pas de route, pas d'habitation, pas de commerce. Bref, des conditions de vie extrêmement difficiles. Enfin bon, restons positifs. Mettons que vous arrivez en Antarctique, que vous construisez votre petite cabane et que vous arrivez à survivre. Malheureusement, ça ne durait pas longtemps. Bah oui, parce que si vous, vous avez réussi à faire le voyage jusqu'à là-bas, les plantes, elles, elles n'ont pas pu bouger. Les plantes finiraient par mourir les unes après les autres et toute vie végétale finirait par disparaître. Qui dit plus de plantes dit plus d'oxygène, et qui dit plus d'oxygène dit la mort. Même pour les plus malins, ayant réussi à s'adapter aux températures extrêmes, la vie deviendrait donc impossible. Ceci étant, si on est philosophe, hein, on sait que la fin des humains ne veut pas forcément dire fin de la vie. Dans certains cas spécifiques, ça pourrait même être très bénéfique pour la Terre. Comme par exemple, aujourd'hui. Mais malheureusement, ça serait pas le cas ici. Les températures extrêmes et le taux d'oxygène très faible empêcheraient toute vie de redémarrer. Toute vie sur Terre finirait donc par s'éteindre inévitablement. Alors quelle est la conclusion de cette vidéo ? L'eau douce est précieuse, et sans les océans, bah, on est dans la merde. Et pourtant, on continue de les saccager, que ce soit avec la pollution ou la pêche intensive. Alors même si cette fin de vidéo fait un petit peu cucu la praline, bah, n'oubliez pas qu'on est tous responsables, et que si on veut faire changer les choses, c'est d'abord à nous de montrer l'exemple.